sans heureux. Quand la nuit tombe, tout est près de notre amour. Avec l'esprit d'un poète, je fais mon tour. Paris, dans ta rivière blanche, lent et froide, l'enfilade d'étoiles. Dans sa belle revanche, différence de silence. Toi, tu es comme le vent qui change le temps, le vent changeant. Sans raison, marcher auprès.